Chapitre 9e. En sortant de Lhassa, nous cheminâmes pendant plusieurs jours au milieu d'une large vallée entièrement livrée à la culture, et où l'on aperçoit de tous côtés de nombreuses fermes tibétaines, ordinairement entourées de grands arbres. Les travaux agricoles n'avaient pas encore commencé, car dans le Tibet, les hivers sont toujours longs et rigoureux. Des troupeaux de chèvres et de bœufs grognants erraient tristement parmi les champs poudreux, et donnait de temps en temps quelques coups de dents aux dures tiges de tsinku dont le sol était hérissé. Cette espèce d'orge est la récolte principale de ces pauvres contrées. La vallée tout entière se compose d'une foule de petits champs, séparés les uns des autres par des clôtures basses et épaisses, formées avec de grosses pierres. Le défrichement de ce terrain rocailleux a sans doute coûté aux premiers cultivateurs beaucoup de fatigue et une grande patience. Ces pierres énormes ont dû être péniblement arrachées du sol, les unes après les autres, et roulées avec effort sur les limites des champs. Au moment de notre passage, la campagne présentait en général un aspect morne et mélancolique. Cependant, le tableau était quelquefois animé par quelques caravanes de lamas qui se rendaient en chantant et en folâtrant à la solennité du Lhassa Moru. Des cris de joie et des éclats de rire s'échappaient par intervalles des métairies qui bordaient la route, et nous annonçait que les réjouissances du nouvel an n'étaient pas encore terminées. Notre première étape ne fut pas longue. Nous nous arrêtâmes bien avant le coucher du soleil à Detsing Tsug, gros village éloigné de Lhassa de 6 lieues, 60 lits. Une grande maison avait été préparée à l'avance pour le repos de la caravane. Aussitôt que nous eûmes mis pied à terre, nous fûmes introduits par le chef du village dans une chambre au milieu de laquelle flambait un magnifique feu d'argol dans un grand bassin en terre cuite. On nous invita à nous asseoir sur d'épais coussins de pouleau vert, et on nous servit immédiatement du thé beurré. Nous fûmes entourés de tant de soins et de prévenances que nos cœurs finirent bientôt par s'épanouir. Cette manière de voyager nous parut merveilleuse. Quel contraste, en effet, avec la vie dure et pénible que nous avions menée dans le désert, où une halte n'était pour nous qu'un surcroît de misère. Voyager sans être obligé de dresser une tente et de soigner des animaux, sans se mettre en peine du chauffage et de la nourriture, c'était comme la réalisation d'une brillante utopie. Aussitôt qu'on est descendu de cheval, trouver une chambre bien chaude et une grande cruche de thé beurré, c'était pour nous du pur sybaritisme. Peu après notre arrivée, nous reçûmes la visite officielle du grand lama que le régent avait chargé de nous accompagner jusqu'aux frontières de la Chine, et avec lequel nous n'avions encore échangé que quelques paroles de politesse lors du passage de la rivière. Ce personnage, nommé Tsiam Chang, c'est-à-dire le musicien, était un homme trapu et âgé d'une 50aine d'années. Il avait rempli des fonctions administratives dans plusieurs contrées du Tibet. Avant d'être appelé à Lhassa, il occupait le poste de débat général dans un canton peu éloigné de Ladakh. Une incomparable bonhomie était répandue sur sa figure large et un peu ridée. Son caractère tenait de la naïveté et de la candeur de l'enfant. Il nous dit que le régent l'avait chargé de faire ce voyage exprès pour nous, afin de veiller à ce que rien ne nous manquât, durant tout le temps que nous serions dans les contrées soumises au Dalai Lama. Ensuite, il nous présenta de jeunes Tibétains, dont il nous fit un long et pompeux éloge. « Ces deux hommes, nous dit-il, ont été spécialement désignés pour vous servir en route. Quand vous leur commanderez quelque chose, ils devront vous obéir ponctuellement. Pour ce qui est de vos repas, ajouta-t-il, comme vous êtes peu accoutumés à la cuisine tibétaine, il a été convenu que vous les prendriez avec le mandarin chinois. » Après avoir conversé pendant quelques instants avec le lama Tsiang Chang, nous eûmes en effet l'honneur de souper en la compagnie de Li, le pacificateur des royaumes, qui logeait dans une chambre voisine de la nôtre. Li Kuangang fut très aimable et nous donna de nombreux détails sur la route que nous allions faire et qu'il parcourait lui-même pour la 8e fois. Afin que nous puissions avoir tous les jours des notions précises sur les contrées que nous traverserions, il nous prêta un ouvrage chinois renfermant un itinéraire de Qingdao, capitale du Sichuan, à Lhassa. Cet ouvrage est intitulé « Huizhang Chuqi », c'est-à-dire « Description du Tibet » accompagnée de gravures. Cette compilation de plusieurs autres notices chinoises concernant le Tibet a été rédigée par un mandarin nommé Lu Huachu, qui, dans la 51e année de Qianlong, 1786, était chargé de la direction des vivres de l'armée chinoise. Le père Hyacinthe, archimandrite russe à Pékin, a publié une traduction de cette espèce de géographie du Tibet. M. Claprotte, après avoir revu, corrigé et enrichi de notes le travail du traducteur russe, l'a fait insérer dans le journal asiatique de Paris. La partie de cet ouvrage chinois qui concerne la route de Lhassa à la province de Sichuan et que nous avons eu journellement sous les yeux pendant notre voyage est d'une exactitude remarquable, mais cet itinéraire sec et laconique ne peut offrir de l'intérêt qu'aux personnes qui s'occupent spécialement de géographie ou qui parcourent les lieux dont ils parlent. Ce n'est qu'une aride nomenclature, étape par étape, des lieux qu'on rencontre sur sa route. Pour en donner une idée, nous allons transcrire l'article qui concerne notre première journée de marche. De Detsinsung à la halte de Tsaili, de Tsaili au gîte de Lhassa. À Detsinsung, il y a beaucoup d'hôtelleries dans lesquelles les voyageurs s'arrêtent ordinairement pendant quelque temps. Près de la route est une maison de poste. De là, une route de 40 lis conduit au couvent de Tsaili. À Tsaili, il y a un débat qui fournit aux voyageurs du bois et du foin. Ce canton n'est séparé que par une rivière du territoire de Lhassa. On atteint cette dernière ville après 20 lis. Il y a un commandement militaire. Total, 60 lis. Nous partîmes de Detsinsung, que le jour n'avait pas encore paru, car nous avions une longue traite à faire. Nous suivîmes la même vallée dans laquelle nous étions entrés en sortant de la ville de Lhassa. Mais à mesure que nous avancions, les montagnes, dont cette large plaine est environnée, s'élevaient insensiblement à l'horizon et semblaient se rapprocher de nous. La vallée allait toujours se rétrécissant. Le sol devenait plus rocailleux. Les fermes étaient moins nombreuses et la population perdait peu à peu ces dehors d'élégance et de civilisation qu'on remarque toujours aux environs des grandes villes. Après 80 lis d'une marche précipitée et non interrompue, nous nous arrêtâmes pour prendre un peu de repos et de nourriture dans un grand couvent bouddhique tombant en ruine et qui servait de résidence à quelques vieux lamas allemands vêtus. La pauvreté dans laquelle ils vivaient ne leur permit d'offrir à l'état-major de la caravane que du thé au lait, un pot de bière et une petite boule de beurre. En joignant à ses provisions des galettes et un gigot de mouton que le cuisinier de Lin Won Gang avait eu l'attention de nous préparer la veille, nous eûmes une collation assez substantielle. Aussitôt que nous eûmes amorti notre appétit et rendu un peu de vigueur à nos membres, nous remerciâmes ces pauvres religieux bouddhistes en leur offrant un kata, ou écharpe de félicité, puis nous remontâmes promptement sur nos chevaux. Il était déjà tard, et nous avions encore 40 lis à faire avant d'atteindre le poste. Il était nuit close quand nous arrivâmes à Medeukung. Notre premier soin fut d'appeler nos grooms tibétains et de leur recommander d'organiser nos lits le plus promptement possible. Nous pensions qu'ayant eu pendant une longue journée un mauvais cheval entre les jambes, nous devions être dispensés de faire salon. Après avoir pris un léger repas et terminé nos prières, nous souhaitâmes une bonne nuit aux pacificateurs des royaumes et aux lamas musiciens, puis nous allâmes nous ensevelir sous nos couvertures. Le lendemain, quand nous mîmes la tête hors du lit, le soleil brillait déjà de toute sa splendeur. Cependant, tout était calme dans la cour de l'hôtellerie. On n'entendait ni les grognements des yaks, ni les hennissements des chevaux. Rien n'annonçait les tumultueux préparatifs du départ d'une caravane. Nous nous levâmes et, après avoir passé nos pouces sur nos yeux, nous ouvrîmes la porte de notre chambre pour voir en étaient les affaires. Nous trouvâmes Li Kuangang et le lama Zhongchong assis à un angle de la cour et se chauffant tranquillement aux rayons du soleil. Aussitôt qu'ils nous eurent aperçus, ils vinrent à nous et prirent de nombreux détours pour nous annoncer qu'on serait obligé de s'arrêter une journée, parce qu'il y avait des difficultés à se procurer les chevaux et les bœufs de rechange. « Cette nouvelle est bien mauvaise, nous dirent-ils. Ce contretemps est très fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. » La circonstance des fêtes du Nouvel An est la seule cause de ce retard. « Au contraire, leur répondîmes-nous, cette nouvelle est excellente. Nous autres, nous ne sommes nullement pressés d'arriver. Allons tout doucement, reposons-nous souvent en route et tout ira bien. » Ces paroles tirèrent nos deux chefs d'escorte d'un grand embarras. Ces bonnes gens s'étaient imaginé que nous allions leur chercher querelle parce qu'il fallait se reposer un jour. Ils se trompaient énormément. Si, dans nos voyages précédents, des retards avaient été pour nous des contradictions quelquefois très douloureuses, c'est que nous avions un but devant nous et que nous avions hâte de l'atteindre. Mais pour le moment, ce n'était pas le même cas, et nous désirions, autant que possible, voyager un peu en amateur. Nous trouvions d'ailleurs qu'il n'était pas logique de nous en aller en courant d'un lieu dont on nous chassait. Michukung est un poste où l'on change les houlas, c'est-à-dire les chevaux, les bêtes de somme et les hommes chargés de les conduire. Ces espèces de corvées sont organisées par le gouvernement tibétain sur toute la route qui conduit de Lhasa aux frontières de Chine. Les officiers publics chinois ou tibétains qui voyagent officiellement sur cette route ont seuls le droit d'user de ce genre de service. Le gouvernement de Lhasa leur délivre un passeport sur lequel on indique clairement le nombre d'hommes et d'animaux que doivent fournir les villages soumis à la contribution des houlas. La notice chinoise sur le Tibet s'exprime ainsi au sujet de ces corvées. Pour ce qui regarde le service local nommé Oula, tous ceux qui ont quelque fortune, hommes ou femmes, sont obligés de le remplir. Ceux-mêmes qui arrivent des contrées les plus éloignées, s'ils occupent une maison entière, ne peuvent en être exempts. Le nombre des hommes qu'on doit fournir pour ce service est réglé d'après la fortune de chacun. Les anciens et les débats président au choix et déterminent, suivant la grandeur de la maison, le nombre d'hommes qu'elle doit donner comme Oula. On prend dans un hameau 3, 4 et jusqu'à 10 hommes. Les familles peu nombreuses prennent des pauvres comme remplaçants, moyennant un salaire ou payent par jour en commun une demi-once d'argent. Ceux qui ont passé l'âge de 60 ans sont exempts de toute charge. Si le service public l'exige, on requiert des bœufs et des chevaux, des ânes et des mulets dans les maisons riches. Les pauvres se réunissent et 3 ou 4 maisons donnent une seule bête. Les mandarins chinois, qui cherchent toujours à faire argent de tout, ont trouvé moyen de spéculer sur les houlas que leur fournit le gouvernement tibétain. Avant de partir de Lhasa, ils intriguent, par tous les moyens imaginables, afin d'obtenir qu'on inscrive sur leur feuille de route un grand nombre d'animaux. Ils exigent ceux qui leur sont absolument nécessaires et reçoivent pour l'excédent une compensation en argent que les riches tibétains aiment mieux leur donner que d'exposer les animaux au danger de la route. Il en est d'autres qui réclament le houla complet et l'emploi à transporter en Chine des marchandises tibétaines. Li Kuangang, que nous avons vu protester si énergiquement de son désintéressement, quand l'ambassadeur Kichan lui offrit un cadeau de la part de l'empereur, avait montré des sentiments moins généreux à l'endroit des houlas. Pendant la journée que nous passâmes à Michukung, la feuille de route nous tomba par hasard entre les mains, et nous fûmes fort surpris d'y lire qu'on nous avait alloué 2 chevaux et 12 bœufs à longs poils. Tout notre bagage se réduisait pourtant à 2 mâles et à quelques couvertures de lit. « À quoi bon tous ces bœufs ? » demandâmes-nous au pacificateur des royaumes. « Comment s'y prennent-ils pour porter 2 mâles à 12 ?»« Ah, c'est une erreur, » nous répondit-il. « Le scribe s'est trompé. » Par politesse, nous dûmes avoir l'air de trouver cette explication excellente. Il arrive pourtant assez souvent que les Chinois trouvent de grands mécomptes dans leurs spéculations sur les houlas. Ils rencontrent sur la route certaines peuplades tibétaines qui ne sont nullement apprivoisées à ce genre de contribution. On a beau montrer à ces rudes et fiers montagnards la feuille de route scellée du sceau du Dalai Lama et de celui de l'ambassadeur chinois. Ils demeurent impassibles. À tous les discours qu'on leur adresse pour les engager à se soumettre à la loi, ils n'ont que cette réponse. Pour un conducteur, vous donnerez tant. Pour un cheval, tant. Pour un yak, tant. La diplomatie chinoise est enfin poussée à bout et il faut payer les houlas. Les habitants du district de Michukung nous traitèrent avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Les chefs du village nous firent donner une représentation par une troupe de saltimbanques qui se trouvaient réunis dans le pays pour les fêtes du Nouvel An. La vaste cour de l'hôtellerie où nous étions logés servit de théâtre. D'abord, les artistes masqués et bizarrement costumés exécutèrent pendant longtemps une musique bruyante et sauvage pour appeler au spectacle les habitants de la contrée. Quand tout le monde fut réuni et rangé en cercle autour de la scène, le débat de Michukung vint solennellement offrir à nos 2 conducteurs et à nous une écharpe de félicité et nous invita à aller prendre place sur 4 épais coussins qu'on avait disposés au pied d'un grand arbre qui s'élevait à un angle de la cour. Aussitôt que nous nous fûmes assis, toute la troupe des saltimbanques se mit en mouvement et exécuta au son de la musique une sorte de ronde satanique dont la rapidité fut sur le point de nous donner le vertige. Ensuite, il y eut des sauts, des gambades, des pirouettes, des tours de force et des combats avec des sabres de bois. Tout cela était accompagné tour à tour de chants, de dialogues, de musique et de clameurs imitant les cris des bêtes féroces. Parmi cette troupe de comédiens, il y en avait un plus grotesquement masqué que les autres, qui jouait spécialement le rôle de farceur, et s'était réservé le monopole des plaisanteries et des réparties piquantes. Nous n'avions pas eu une habitude suffisante de la langue tibétaine pour apprécier le mérite de ces saillies, mais en juger par les trépignements et les éclats de rire du public, il paraissait s'acquitter à merveille de ses fonctions d'homme d'esprit. En somme, ces espèces de représentations théâtrales étaient assez amusantes, les Tibétains en étaient enthousiasmés. Quand on eut bien dansé, sauté et chanté pendant plus de 2 heures, tous les battleurs vinrent se ranger en demi-cercle devant nous, détachèrent leurs masques et nous tirèrent la langue en s'inclinant profondément. Chacun de nous offrit au chef de la troupe une écharpe de félicité et la toile tomba. Dans l'après-midi, nous invitâmes Lee Kuan Gang à une petite promenade. Malgré le peu d'élasticité dont jouissaient ses jambes, il accueillit de bonne grâce notre proposition et nous allâmes ensemble explorer le pays. Le village de Michukung est assez populeux, mais tout y annonce que ses habitants ne vivent pas dans une grande aisance. Les maisons sont en général construites en cailloux grossièrement cimentés avec de la terre glaise. On en voit un assez grand nombre qui sont à moitié écroulés et dont les ruines servent de retraite à des troupes de gros rats. Quelques petits hôtels bouddhiques, soigneusement peints à l'eau de chaux, sont les seules constructions qui présentent un peu de propreté et dont la blancheur contraste avec la teinte grisâtre et enfumée du village. Michukung a un corps de garde chinois, composé de 4 soldats et d'un sous-caporal. Ces hommes nourrissent quelques chevaux, et leur poste sert de relais aux courriers qui portent les dépêches de l'administration chinoise. En rentrant à l'hôtellerie, nous rencontrâmes dans la vaste cour qui le matin avait servi de théâtre un tumultueux rassemblement d'hommes et d'animaux. On était occupé à recruter notre oula, qui devait être de 28 chevaux, de 70 bœufs grognants et de 12 conducteurs. À l'entrée de la nuit, le débat vint nous avertir que tout avait été organisé selon les saintes ordonnances du Dalai Lama et que le lendemain nous pourrions nous mettre en route, tard ou de bonne heure, selon notre volonté. Aussitôt que le jour parut, nous montâmes à cheval et nous dîmes adieu à Michukung. Après quelques heures de marche, nous quittâmes, comme par l'extrémité d'un immense entonnoir, la grande vallée que nous avions suivie depuis Lhasa et nous entrâmes dans un rude et sauvage pays. Pendant 5 jours, nous voyageâmes continuellement dans un labyrinthe, allant tantôt à droite, tantôt à gauche, quelquefois revenant en quelque sorte sur nos pas pour éviter des gouffres et tourner des montagnes inaccessibles. Nous ne quittions jamais la profondeur des ravins ou les bords escarpés et rocailleux des torrents. Nos chevaux bondissaient plutôt qu'ils ne marchaient. Des animaux vigoureux, mais qui seraient étrangers à ces affreuses contrées, ne pourraient résister longtemps aux fatigues d'une semblable route. Pendant une demi-journée seulement, nous pûmes voyager avec assez d'agrément et de sécurité. Nous retrouvâmes la rivière que nous avions déjà traversée en sortant de Lhasa. Elle coulait tranquillement dans un lit légèrement incliné, et ses larges bords offraient aux voyageurs un chemin facile et uni. Au milieu de ces contrées sauvages, on ne rencontre pour passer la nuit que des masures froides, humides et ouvertes à tous les vents. Cependant, on y arrive tellement brisé de fatigue qu'on y dort toujours d'un sommeil profond. Avant d'arriver à la ville de Giamda, nous traversâmes la montagne Lumari. Cette montagne, dit l'itinéraire chinois, est haute et peu escarpée. Elle s'étend sur une largeur d'environ 40 lis. Les neiges, les glaces et les menaçantes sommités que les voyageurs rencontrent en chemin, avant d'arriver à cette montagne, et qui épouvantent le cœur et offusquent les yeux, peuvent la faire regarder par comparaison comme une plaine aisée à passer. Le sommet du mont Lumari, quoique très élevé, est en effet d'un accès facile. Nous y arrivâmes par une pente douce, et sans être obligés de descendre une seule fois de cheval, circonstance très remarquable quand il s'agit des montagnes du Tibet. Nous trouvâmes cependant, de l'autre côté de la montagne, une assez grande difficulté à cause de la neige qui ce jour-là tombait en abondance. Les animaux glissaient souvent, quelquefois leurs pieds de derrière venaient brusquement se réunir à ceux de devant, mais ils ne s'abattaient jamais. Il en résultait seulement pour le cavalier comme un petit balancement d'escarpolette auquel on s'habituait insensiblement. Le pacificateur des royaumes voulut descendre la montagne à pied pour se réchauffer un peu, mais après quelques pas mal assurés, il chancela un instant sur ses pauvres jambes, fit la culbute et alla tracer dans la neige un large et profond sillon. Il se releva plein de colère, courut au soldat qui était le plus rapproché et l'accabla de malédictions et de coups de fouet parce qu'il n'était pas descendu de cheval pour le soutenir. Tous les soldats chinois sautèrent aussitôt en bas de leur monture et vinrent se prosterner devant leur colonel et lui faire des excuses. Tous, en effet, avaient manqué à leur devoir. Car, d'après l'urbanité chinoise, lorsqu'un chef met pied à terre, tous les subalternes doivent à l'instant descendre de cheval. Quand nous fûmes au bas de la montagne de Lumari, nous continuâmes notre route le long d'une petite rivière qui serpentait au milieu d'une forêt de sapins tellement touffue que la clarté du jour y pénétrait à peine. La neige s'arrêtait par couches épaisses sur les larges branches des arbres, d'où le vent la secouait quelquefois par gros flocons sur la caravane. Ces petites avalanches, tombant à l'improviste sur les cavaliers, les faisaient tressaillir et leur arrachaient des cris de surprise. Mais les animaux, qui sans doute avaient traversé d'autres fois cette forêt avec un temps semblable, demeuraient impassibles. Ils allaient toujours leur pas ordinaire, sans s'effaroucher, se contentant de secouer nonchalamment leurs oreilles lorsque la neige les incommodait. À peine sortis de la forêt, nous fûmes tous obligés de mettre pied à terre pour escalader pendant une heure d'horribles entassements de rochers. Quand nous fûmes arrivés au sommet, on replia les brides sur le cou des chevaux, qu'on abandonna à la sagacité de leur instinct, pour se diriger sur cette pente rapide et semée de précipices. Les hommes descendirent, tantôt à reculons, comme le long d'une échelle, tantôt en s'asseyant et en se laissant glisser sur la neige. Tout le monde se tira victorieusement de ce mauvais pas, et on arriva au bas, sans que personne se fût cassé ni bras ni jambes. Nous fîmes encore 5 lies dans une étroite vallée, et nous aperçûmes enfin, au pied d'une haute montagne, une vaste agglomération de maisons, parmi lesquelles s'élevaient de temples bouddhiques aux proportions colossales. C'était la station de Gyamda. Un peu avant d'entrer dans la ville, nous rencontrâmes sur la route une compagnie de 18 soldats rangés en file et ayant à leur tête 2 petits mandarins décorés du globule blanc. Mandarins et soldats, tous avaient le sabre nu à la main et un arc en bandoulière. C'était la garnison de Gyamda qui, sous les armes et en grand uniforme, attendait Li, le pacificateur des royaumes, pour lui rendre les honneurs militaires. Quand la caravane se fut suffisamment rapprochée, les 18 soldats et les 2 mandarins tombèrent à genoux, appuyèrent contre terre la pointe de leurs sabres et s'écrièrent tous ensemble « Ô toutes ces Li Kuangang, la chétive garnison de Gyamda, salut et prospérité !» À ces mots, Li Kuangang et les soldats de sa suite firent aussitôt arrêter leurs chevaux, mirent pied à terre et coururent vers la garnison pour l'inviter à se relever. De part et d'autre, on se fit des inclinations interminables, pendant lesquelles nous continuâmes sans façon notre route. À l'entrée de la ville, nous eûmes à notre tour notre petite réception officielle. 2 Tibétains en habit de fête saisirent, pour nous faire honneur, la bride de notre cheval et nous conduisirent à la maison qui nous avait été préparée. Là, nous attendait le débat ou premier magistrat du district, qui nous offrit une écharpe de félicité et nous introduisit dans une salle où était une table déjà servie de thé au lait, de beurre, de galettes et de fruits secs. Dans toutes ces marques de bienveillance et d'attention, nous ne pûmes nous empêcher de voir un effet des ordres que le régent avait envoyé. Pendant que nous faisions honneur à cette modeste collation, on vint nous annoncer que nous serions obligés de nous arrêter pendant 2 jours à Gyamda, parce que le débat du district, n'ayant reçu que dans la matinée la nouvelle de notre prochaine arrivée, n'avait pas eu le temps d'envoyer chercher les animaux qui se trouvaient au pâturage, à une distance très éloignée de la ville. Cette nouvelle nous fut très agréable, mais elle plongea dans la désolation Li Kuangang et le lama Xiangchang. Nous essayâmes de les consoler en leur disant que lorsqu'on n'était pas maître de diriger les événements, il fallait les subir avec calme et résignation. Nos 2 conducteurs trouvaient notre doctrine magnifique en théorie, mais la pratique était peu de leur goût. Cependant, ils furent obligés de convenir, dans la suite, que ce retard était venu assez à propos, car pendant les 2 jours que nous restâmes à Gyamda, le ciel fut si sombre, le vent du nord souffla avec tant de violence, et la neige tomba si abondamment, que, de l'avis des gens du pays, on n'eût pu se mettre en route impunément avec un temps si affreux. À en juger, en effet, d'après ce qui se passait dans la vallée, il était aisé de comprendre qu'un ouragan épouvantable devait désoler les montagnes. Le lendemain de notre arrivée à Gyamda, nous reçûmes la visite des deux officiers chinois résidant dans cette ville. L'un portait le titre de Pa Tsung et l'autre celui de Wei Wei. Le Pa Tsung était un bel homme, vigoureusement membré, ayant la parole vibrante et les mouvements brusques. Une large balafre, qui sillonnait sa figure, et de grandes moustaches noires, ne contribuaient pas peu à lui donner une magnifique tournure de soldat. Pendant 4 ans, il avait fait la guerre dans le Kashgar en qualité de simple soldat, et en était revenu avec le titre de Pa Tsung et la décoration de la plume de paon. Le Wei Wei, jeune homme de 22 ans, était aussi d'une taille avantageuse, mais son extérieur langoureux et efféminé contrastait singulièrement avec la mâle allure de son collègue. Sa figure était blanche, molle et d'une délicatesse extrême. Ses yeux étaient toujours humides et languissants. Nous lui demandâmes s'il était malade. « Non, nous répondit-il d'une voix presque éteinte, ma santé est excellente. » Et en disant ces mots, ses joues se colorèrent d'une légère teinte de rougeur. Nous comprîmes que notre question avait été indiscrète et nous entamâmes un autre sujet de conversation. Ce pauvre jeune homme était un forcené fumeur d'opium. Quand ils furent partis, Li Kuangang nous dit « Le Pa Tsung est un homme qui est né sous une constellation très favorable. » Il montra rapidement les degrés du mandarinat militaire. Mais le Wei Wei est né sous un mauvais brouillard. Depuis qu'il s'est passionné pour la fumée européenne, le ciel l'a abandonné. Avant qu'une année se soit écoulée, il aura salué le monde. La pluie torrentielle, qui tomba presque sans interruption pendant notre séjour à Gyamda, ne nous permit pas de visiter en détail cette ville très populeuse et assez commerçante. On y rencontre un grand nombre de Pébouns ou Indiens du Bhoutan qui exploitent, comme à Lhasa, tout ce qui tient aux arts et à l'industrie. Les produits agricoles du pays sont presque nuls. On cultive dans la vallée de l'orge noire en quantité à peine suffisante pour la consommation des habitants. La richesse du pays provient de la laine et du poil de chèvre dont on fabrique des étoffes. Il paraît que parmi ces montagnes affreuses, il existe des pâturages excellents où les Tibétains nourrissent de nombreux troupeaux. Le lapis-lazuli, les cornes de cerf et la rhubarbe sont l'objet d'un assez grand commerce avec Lhasa et les provinces du Sichuan et du Yunnan. On prétend que c'est sur les montagnes qui environnent Gyamda qu'on recueille la meilleure qualité de rhubarbe. Ce district foisonne aussi en gibier de toute espèce. La forêt que nous traversâmes après avoir quitté le mont Lumari est particulièrement remplie de perdreaux, de faisans et de plusieurs variétés de poules sauvages. Les Tibétains ne savent tirer aucun parti de ces mets si recherchés par les gourmets d'Europe. Ils les mangent bouillis et sans aucune espèce d'assaisonnement. Les Chinois sont sur ce point, comme sur tout le reste, beaucoup plus avancés que leurs voisins. Le cuisinier de Li Kuangang savait nous préparer la venaison d'une façon qui ne laissait rien à désirer. Le jour fixé pour le départ étant arrivé, les houlas se trouvèrent près de grand matin. Le vent avait complètement cessé, et la pluie ne tombait plus. Cependant, il s'en fallait que le temps fût beau. Une brume froide et épaisse remplissait la vallée et dérobait à la vue les montagnes environnantes. Nous dûmes néanmoins partir, car les gens du pays s'accordaient à dire que, pour la saison, c'était tout ce qu'on pouvait désirer de mieux. « Tant que vous serez dans la vallée, nous disait-on, vous ne verrez pas très clair. Mais une fois arrivés sur les hauteurs, l'obscurité disparaîtra. » Règle générale, quand il y a de la brume dans la vallée, il tombe de la neige sur les montagnes. Ces paroles étaient très peu rassurantes. Il fallut pourtant se résigner et s'aguerrir contre la neige, car tout le monde nous assurait que depuis Gyamda jusqu'aux frontières de Chine, tous les jours, sans en excepter un seul, nous en verrions sur notre route. Au moment où nous montions à cheval, le débat de Gyamda nous fit cadeau de 2 paires de lunettes pour mettre nos yeux à l'abri de la blancheur éblouissante de la neige. Nous ne pûmes d'abord nous empêcher de rire à la vue de ces appareils d'optique d'une façon toute nouvelle. La place que tiennent les verres, dans les lunettes ordinaires, était occupée par un tissu en crin de cheval extrêmement bombé et ressemblant assez par la forme à de grosses coques de noix. Pour tenir ces 2 couvercles assujettis sur les yeux, il y avait des 2 côtés 2 longs cordons qu'on faisait passer derrière les oreilles et qu'on nouait ensuite sous le menton. Nous remerciâmes cet excellent débat du plus profond de notre cœur, car, dans les circonstances où nous nous trouvions, ce cadeau était inappréciable. En traversant la montagne de Lumari, nous avions eu déjà beaucoup à souffrir de la réverbération de la neige. En sortant de la ville, nous rencontrâmes, comme en y entrant, les soldats de la garnison qui attendaient au passage Li Kuangang pour lui faire le salut militaire. Ces hommes, rangés en file au milieu d'un épais brouillard, et tenant dans la main un sabre qui reluisait dans l'obscurité, avaient quelque chose de si fantastique que presque tous les chevaux de la caravane en furent épouvantés. Ces saluts militaires se renouvelèrent sur la route partout où il y avait des soldats chinois. Li Kuangang en était exaspéré. Comme il ne pouvait, à cause de ses jambes malades, descendre de cheval et y remonter qu'avec de grandes difficultés, ces cérémonies étaient pour lui un véritable supplice. Il avait beau envoyer en avant un de ses soldats pour avertir qu'on ne va pas lui faire de réception, on n'y mettait que plus d'empressement et un plus grand appareil, car on s'imaginait que c'était par modestie qu'il voulait se soustraire aux honneurs qu'on devait rendre à sa dignité. À 4 lis loin de Giamda, nous traversâmes un large et impétueux torrent sur un pont formé avec 6 énormes troncs de sapins non rabotés et si mal mis ensemble qu'on les sentait rouler sous les pieds. Personne n'osa passer à cheval, et ce fut un grand bonheur pour un des soldats de la troupe. Son cheval ayant glissé sur le pont humide et tremblant, une de ses jambes de devant s'enfonça jusqu'au poitrail, entre les jointures de 2 arbres, où il demeura pris comme dans un étau. Si le cavalier se fût trouvé dessus, il eût été infailliblement précipité au fond du torrent et brisé sur les rochers. Après de longs et pénibles efforts, on finit par retirer ce pauvre animal de cette affreuse position. Au grand étonnement de tout le monde, il en sortit sans s'être cassé la jambe, sans même avoir reçu la moindre blessure. Par-delà ce misérable pont, nous reprîmes notre rude pèlerinage à travers des montagnes escarpées et encombrées de neige. Pendant 4 jours, nous ne rencontrâmes dans ces contrées sauvages aucun village tibétain. Tous les soirs, nous couchions dans les corps de garde chinois, auprès desquels se groupaient quelques cabanes de bergers, construites avec des écorces d'arbres. Pendant ces 4 jours, nous changeâmes pourtant 3 fois les oulas, sans éprouver le moindre retard. Les ordres avaient été si bien donnés d'avance, qu'à notre arrivée au poste, nous trouvions déjà tout disposé pour notre départ du lendemain. Si nous n'avions su que parmi ces contrées, désertes en apparence, il y avait cependant dans les gorges des montagnes de nombreux bergers vivant sous des tentes, il nous eût été impossible de nous expliquer cette prompte organisation des oulas. En général, ce n'a jamais été que dans les grands endroits que le service de la caravane a éprouvé des retards et des difficultés. Le 4e jour depuis notre départ de Giamda, après avoir traversé sur la glace un grand lac, nous nous arrêtâmes au poste d'Atsa, petit village dont les habitants cultivent quelques lambeaux de terre, dans une petite vallée entourée de montagnes dont la cime est couronnée de houx et de pins. L'itinéraire chinois dit, au sujet du lac qu'on rencontre avant d'arriver à Atsa, « La licorne, animal très curieux, se trouve dans le voisinage de ce lac, qui est à 40 lis de longueur. » La licorne, qu'on a longtemps regardée comme un être fabuleux, existe réellement dans le Tibet. On la trouve souvent représentée parmi les sculptures et les peintures des temples bouddhiques. En Chine même, on la voit souvent dans les paysages qui décorent les auberges des provinces septentrionales. Les habitants d'Atsa parlaient de cet animal, sans y attacher une plus grande importance qu'aux autres espèces d'antilopes qui abondent dans leurs montagnes. Nous n'avons pas eu la bonne fortune d'apercevoir de licornes durant nos voyages dans la Haute Asie. Mais tout ce qu'on nous en a dit ne fait que confirmer les détails curieux que M. Claprotte a publiés sur ce sujet dans le nouveau journal asiatique. Nous avons pensé qu'il ne serait pas hors de propos de citer ici une note intéressante que cet orientaliste, d'une immense érudition, a ajoutée à la traduction de l'itinéraire de Lu Wuchu. La licorne du Tibet s'appelle dans la langue de ce pays Seru, en mongol Kéré, et en chinois Tu Kyo Cheu, c'est-à-dire l'animal à une corne, ou Kyo Tuan, corne droite. Les Mongols confondent quelquefois la licorne avec le rhinocéros, nommé en mandchou Bodhigurgu et en sanskrit Khadga, en appelant ce dernier également Kéré. La licorne se trouve mentionnée pour la première fois chez les Chinois dans un de leurs ouvrages qui traite de l'histoire des 2 premiers siècles de notre ère. Il y est dit que le cheval sauvage, l'argali et le Kyo Tuan sont des animaux étrangers à la Chine, qu'ils vivent dans la Tartarie et qu'on se servait des cornes du dernier pour faire les arcs appelés arcs de licorne. Les historiens chinois, mahométans et mongols, rapportent unanimement la tradition suivante, relative à un fait qui eut lieu en 1224, quand Genghis Khan se préparait à aller attaquer l'Hindoustan. Ce conquérant ayant soumis le Tibet, dit l'histoire mongole, se mit en marche pour pénétrer dans l'Enedkek, l'Inde. Comme il gravissait le mont Jadanaring, il vit venir à sa rencontre une bête fauve, de l'espèce appelée Serou, qui n'a qu'une corne sur le sommet de la tête. Cette bête se mit trois fois à genoux devant le monarque, comme pour lui témoigner son respect. Tout le monde étant étonné de cet événement, le monarque s'écria « L'empire de l'Hindoustan est, à ce qu'on assure, le pays où naquirent les majestueux Bouddha et Bodhisattva, ainsi que les puissants Bogda ou princes de l'Antiquité. Que peut donc signifier que cette bête privée de parole me salue comme un homme ?» Après ces paroles, il retourna dans sa patrie. Quoique ce fait soit fabuleux, il ne démontre pas moins l'existence d'un animal à une seule corne dans les hautes montagnes du Tibet. Il y a aussi dans ce pays des lieux qui tirent leur nom du grand nombre de ces animaux qui vivent par troupeaux, tels que le canton de Serutiong, c'est-à-dire village de la rive des licornes, situé dans la partie orientale de la province de Kham, vers la frontière de la Chine. Un manuscrit tibétain que feu le major Latre a eu l'occasion d'examiner appelle la licorne le tsopo à une corne. Une corne de cet animal fut envoyée à Calcutta. Elle avait 50 cm de longueur et 11 cm de circonférence. Depuis la racine, elle allait en diminuant et se terminait en pointe. Elle était presque droite, noire et un peu aplatie des deux côtés. Elle avait 15 anneaux, mais ils n'étaient proéminents que d'un côté. M. Hodgson, résident anglais dans le Népal, est enfin parvenu à se procurer une licorne et a fixé indubitablement la question relative à l'existence de cette espèce d'antilope appelée Chiru dans le Tibet méridional qui confine au Népal. C'est le même mot que Serou, prononcé autrement suivant les dialectes différents du Nord et du Midi. La peau et la corne, envoyées à Calcutta par M. Hodgson, appartenaient à une licorne morte dans la ménagerie du Raja du Népal. Elle avait été présentée à ce prince par le lama de Jigurchi, Jikaze, qu'il aimait beaucoup. Les gens qui amenèrent l'animal au Népal informèrent M. Hodgson que le Chiru se plaisait principalement dans la belle vallée ou plaine du Tingri, située dans la partie méridionale de la province tibétaine de Tsang, et qui est arrosée par l'Arun. Pour se rendre du Népal dans cette vallée, on passe le défilé de Kuti ou Nyalam. Les Népaliens appellent la vallée de l'Arun Tingri Meidam, de la ville de Tingri, qui s'y trouve sur la gauche de cette rivière. Elle est remplie de couches de sel, autour desquelles les Chirus se rassemblent en troupeaux. On décrit ces animaux comme extrêmement farouches quand ils sont dans l'état sauvage. Ils ne se laissent approcher par personne et s'enfuient au moindre bruit. Si on les attaque, ils résistent courageusement. Le mâle et la femelle ont en général la même apparence. La forme du Chiru est gracieuse comme celle de toutes les autres antilopes. Il a aussi les yeux incomparables des animaux de cette espèce. Sa couleur est rougeâtre, comme celle du faon, à la partie supérieure du corps et blanche à l'inférieur. Ses caractères distinctifs sont, d'abord une corne noire, longue et pointue, ayant trois légères courbures, avec des anneaux circulaires vers la base. Ces anneaux sont plus saillants sur le devant que sur le derrière de la corne. Puis, deux touffes de crins qui sortent du côté extérieur de chaque narine. Beaucoup de soie entoure le nez et la bouche et donne à la tête de l'animal une apparence lourde. Le poil du Chiru est dur et paraît creux comme celui de tous les animaux qui habitent au nord de l'Himalaya et que M. Hodgson a eu l'occasion d'examiner. Ce poil a environ 5 cm de longueur. Il est si touffu qu'il présente au toucher comme une masse solide. Au-dessous du poil, le corps du Chiru est couvert d'un duvet très fin et doux, comme presque tous les quadrupèdes qui habitent les hautes régions des monts Himalaya, et spécialement comme les chèvres dites de Cachemire. Le docteur Abel a proposé de donner au Chiru le nom systématique d'antilope Hodgsoni, d'après celui du savant qui a mis son existence hors de doute. À Atse, nous changeâmes les oulas, quoique nous n'eussions que 50 lis à parcourir avant d'arriver à la résidence de Lari. Il nous fallait des animaux frais, et accoutumés à la route épouvantable que nous avions devant nous. Une seule montagne nous séparait de Lahari, et pour la franchir, il était, disait-on, nécessaire de partir de grand matin si nous voulions arriver avant la nuit. nous consultâmes l'itinéraire et nous y trouvâmes la jolie description que voici. Plus loin, on passe par une grande montagne dont les sommets s'élèvent à pic. Les glaces et les neiges n'y fondent pas pendant les quatre saisons de l'année. Ces abîmes ressemblent aux bords escarpés de la mer. Souvent, le vent les comble de neige. Les chemins y sont presque impraticables, tant la descente est rapide et glissante. Comme on le voit, ce court mais énergique aperçu ne nous promettait pas pour le lendemain une trop agréable partie de plaisir. Oh, comme nous eussions cédé volontiers notre place à quelques-uns de ces intrépides touristes, que l'amour de la neige et des glaces, des rochers et des précipices conduit tous les ans, en cabriolet, au milieu des Alpes, ces miniatures des montagnes du Tibet. Une chose peu propre à nous encourager, c'est que les gens de la caravane, les habitants même du pays, tout le monde paraissait préoccupé et inquiet. On se demandait avec anxiété si la neige, qui était tombée en abondance pendant 5 jours, et qui n'avait pas encore eu le temps de s'affaisser, ne rendrait pas la montagne infranchissable. Si l'on n'avait pas à craindre de s'enfoncer dans des abîmes ou d'être écrasé par des avalanches. Si enfin, il ne serait pas prudent d'attendre quelques jours, dans l'espoir que la neige serait dispersée par le vent, ou fondue en partie par le soleil, ou solidifiée par le froid. À toutes ces questions, on n'avait que des réponses fort peu rassurantes. Afin de nous mettre à l'abri de la pusillanimité et de la présomption, nous tînmes, avant de nous coucher, un conseil auquel nous appelâmes les vieux montagnards de la contrée. Après une délibération, on décida, premièrement, que si le lendemain le temps était calme et serein, on pourrait se mettre en route sans témérité. Secondement, que dans l'hypothèse du départ, les bœufs à longs poils chargés des bagages et conduits par les gens du pays précéderaient les cavaliers afin de leur tracer, dans la neige, un chemin plus facile. La chose étant ainsi arrêtée, nous essayâmes de prendre un peu de repos, comptant médiocrement sur les avantages de ce plan et beaucoup sur la protection de la divine Providence. Quand nous nous levâmes, quelques étoiles brillaient encore au ciel et luttaient contre les premières blancheurs de l'aube. Le temps était d'une beauté admirable. On fit donc promptement les préparatifs du départ, et aussitôt que les dernières obscurités de la nuit furent entièrement dissipées, nous commençâmes à gravir la formidable montagne des esprits, Lahari. Elle s'élevait devant nous comme un immense bloc de neige, où les yeux n'apercevaient pas un seul arbre, pas un brin d'herbe, pas un point noir qui va rompre l'uniformité de cette blancheur éblouissante. Ainsi qu'il avait été réglé, les bœufs à longs poils, suivis de leurs conducteurs, s'avancèrent les premiers, marchant les uns après les autres, puis tous les cavaliers se rangèrent en file sur leurs traces, et la longue caravane, semblable à un gigantesque serpent, déroula lentement ses grandes spirales sur les flancs de la montagne. D'abord la pente fut peu rapide, mais nous trouvâmes une si affreuse quantité de neige que nous étions menacés à chaque instant d'y demeurer ensevelis. On voyait les bœufs placés à la tête de la colonne, avançant par soubresauts, cherchant avec anxiété à droite et à gauche les endroits les moins périlleux, quelquefois disparaissant tout à fait dans des gouffres et bondissant au milieu de ces amas de neige mouvants comme de gros marsouins dans les flots de l'océan. Les cavaliers qui fermaient la marche trouvaient un terrain plus solide. Nous avancions pas à pas dans un étroit et profond sillon entre deux murailles de neige qui s'élevaient au niveau de notre poitrine. Les bœufs à longs poils faisaient entendre leurs sourds grognements, les chevaux haletaient avec grand bruit, et les hommes, afin d'exciter le courage de la caravane, poussaient tous ensemble un cri cadencé et semblable à celui des mariniers quand ils virent au cabestan. Peu à peu, la route devint tellement raide et escarpée que la caravane paraissait en quelque sorte suspendue à la montagne. Il ne fut plus possible de rester à cheval. Tout le monde descendit, et chacun se cramponna à la queue de son coursier. On se remit en marche avec une nouvelle ardeur. Le soleil, brillant de tout son éclat, dardait ses rayons sur ces vastes entassements de neige, et en faisait jaillir d'innombrables étincelles dont le scintillement éblouissait la vue. Heureusement, nous avions les yeux abrités sous les inappréciables lunettes dont nous avait fait cadeau le débat de Gyamda. Après de longues et indicibles fatigues, nous arrivâmes, ou plutôt nous fûmes hissés sur le sommet de la montagne. Le soleil était déjà sur son déclin. On s'arrêta un instant, soit pour ajuster les selles et consolider les bagages, soit pour détacher de la semelle des bottes ces insupportables blocs de neige qui s'y étaient amassés et solidifiés en forme de cône renversé. Tout le monde était transporté de joie. On éprouvait une sorte de fierté d'être monté si haut et de se trouver debout sur ce gigantesque piédestal. On aimait à suivre des yeux cette profonde et tortueuse ornière qu'on avait creusée dans la neige et dont la teinte roussâtre se dessinait sur le blanc immaculé de la montagne. La descente était plus escarpée que la montée, mais elle était beaucoup moins longue et ne demandait pas les efforts que nous avions été obligés de déployer de l'autre côté du mont. L'extrême raideur de la pente était au contraire une facilité pour descendre, car il n'y avait qu'à se laisser aller. Le seul danger était de rouler trop brusquement, de franchir le sentier battu et d'aller s'engloutir pour toujours au fond de quelque abîme. Dans un semblable pays, des accidents de ce genre ne sont nullement chimériques. Nous descendîmes donc lestement, tantôt debout, tantôt assis, et sans autre mésaventure que des culbutes et de longues glissades, bien plus propres à exciter l'hilarité que la crainte des voyageurs. Un peu avant d'arriver au bas de la montagne, toute la caravane s'arrêta sur un petit plateau où s'élevait un obo, ou monument bouddhique, en pierre amoncelée et surmonté de banderoles et d'ossements chargés de sentences tibétaines. Quelques énormes et majestueux sapins entouraient cet obo et l'abritaient sous un magnifique dôme de verdure. « Nous voici arrivés au glacier de la montagne des esprits, » nous dit Li Kuangang. « Nous allons rire un instant. » Nous regardâmes avec étonnement le pacificateur des royaumes. « Oui, voici le glacier, voyez de ce côté. » Nous nous dirigeâmes vers l'endroit qu'il nous indiquait. Nous nous penchâmes sur le bord du plateau et nous aperçûmes un immense glacier extrêmement bombé et bordé des deux côtés par d'affreux précipices. On pouvait entrevoir, sous une légère couche de neige, la couleur verdâtre de la glace. Nous détachâmes une pierre du monument bouddhique et nous la jetâmes sur le glacier. Un bruit sonore se fit entendre et la pièce, glissant avec rapidité, laissa sur son passage un large ruban vert. Il n'y avait pas à en douter, c'était bien là un glacier. Et nous comprîmes une partie des paroles de Li Kuangang. Mais nous ne trouvions absolument rien de risible à être obligés de voyager sur une pareille route. Li Kuangang avait cependant raison en tout point, et nous pûmes bientôt nous en convaincre. On fit passer les animaux les premiers, d'abord les bœufs et puis les chevaux. Un magnifique bœuf à long poil ouvrit la marche. Il avança gravement jusque sur le bord du plateau. Là, après avoir allongé le cou, flairé un instant la glace, et soufflé par ses larges naseaux quelques épaisses bouffées de vapeur, il appliqua avec courage ses deux pieds de devant sur le glacier, et partit à l'instant, comme s'il eût été poussé par un ressort. Il descendit les jambes écartées, mais aussi raides et immobiles que si elles eussent été de marbre. Arrivé au bout du glacier, il fit la culbute, et se sauva grognant et bondissant à travers des flots de neige. Tous les animaux, les uns après les autres, nous donnèrent ce spectacle qui était réellement palpitant d'intérêt. Les chevaux faisaient en général, avant de se lancer, un peu plus de façon que les bœufs, mais il était facile de voir que les uns et les autres étaient accoutumés depuis longtemps à ce genre d'exercice. Les hommes s'embarquèrent à leur tour, avec non moins d'intrépidité et de succès que les animaux, quoique d'après une méthode toute différente. Nous nous assîmes avec précaution sur le bord du glacier. Nous appuyâmes fortement sur la glace nos talons serrés l'un contre l'autre, puis nous servant du manche de notre fouet en guise de gouvernail, nous nous mîmes à voguer sur ces eaux glacées avec la rapidité d'une locomotive. Un marin eût trouvé que nous filions au moins 12 nœuds. Dans nos longs et nombreux voyages, nous n'avions encore jamais rencontré un moyen de transport à la fois si commode, si expéditif et surtout si rafraîchissant. Au bas du glacier, chacun rattrapa son cheval comme il put, et nous continuâmes notre route selon la méthode vulgaire. Après une descente peu rapide, nous laissâmes derrière nous la montagne des esprits et nous entrâmes dans une vallée parsemée çà et là de larges plaques de neige qui avaient résisté aux rayons du soleil. Nous longeâmes pendant quelques instants les bords glacés d'une petite rivière et nous arrivâmes enfin au poste de Lahri. Il y eut à la porte de la ville, comme à Gyamda, une réception militaire. Le débat du lieu vint nous offrir ses services et nous allâmes occuper le logement qui nous avait été préparé dans une pagode chinoise nommée Kuang Ti Miao, c'est-à-dire « Temple du dieu de la guerre ». De Lhasa à Lahri, on compte 10 000 lits, 101 lieues. Il y avait 15 jours que nous étions en route. Aussitôt que nous fûmes installés dans notre habitation, il fut convenu à l'unanimité entre Li Kuangang, le lama Xianchang et nous qu'on s'arrêterait un jour à Lari. Quoique les oulas fussent déjà préparés, nous jugeâmes prudent de faire une courte halte et de puiser dans une journée de repos les forces qui nous étaient nécessaires pour franchir encore une formidable montagne que nous devions rencontrer sur notre route. Le gros village de Lari est bâti dans une gorge entourée de montagnes stériles et désolées. Ce district ne présente pas les moindres vestiges de culture et l'on est obligé d'aller chercher ailleurs la farine de Tsingku. Les habitants sont presque tous bergers. Ils nourrissent des troupeaux de moutons, de bœufs grognants et surtout de chèvres dont le poil fin et moelleux sert à fabriquer les poulous de première qualité et ces belles étoffes si connues sous le nom de châle de Cachemire. Les Tibétains de Lari sont beaucoup moins civilisés que ceux de Lhasa. Leur physionomie a quelque chose de dur et de sauvage. Ils sont habillés salement, leurs maisons ne sont que de grandes masures informes, construites avec de la pierre brute et grossièrement enduites de limon. On remarque pourtant sur les flancs de la montagne, un peu au-dessus du village, un vaste couvent bouddhique dont le temple est assez beau. Un kampo est supérieur de cette lamaserie et en même temps administrateur temporel du canton. Les nombreux lamas de Lari mènent une vie paresseuse et abjecte. Nous les avons vus à toute heure du jour, couchés ou accroupis en grand nombre dans les quartiers de la ville, essayant de réchauffer au rayon du soleil leurs membres à moitié couverts de quelques haillons rouges et jaunes. C'était un spectacle dégoûtant. À Lari, le gouvernement chinois entretient un magasin de vivres, confié à l'administration d'un mandarin lettré, portant le titre de Liang Tai, fournisseur, et décoré du globule de cristal blanc. Le Liang Tai est chargé de distribuer la solde aux divers corps de garde échelonnés sur la route. On compte de Lhasa aux frontières de la Chine 6 magasins de vivres. Le premier et le plus important est à Lhasa. Le Liang Tai de cette ville a inspection sur les 5 autres et reçoit un traitement annuel de 70 onces d'argent, tandis que ses collègues n'en ont que 60. L'entretien du magasin de vivres de Lhasa coûte tous les ans au gouvernement chinois la somme de 40 000 onces d'argent. L'entretien de celui de Lari ne va qu'à 8 000 onces. La garnison de cette dernière ville se compose de 130 soldats ayant à leur tête un Tsiang-tsung, un Pa-tsung et un Wei-wei. Le lendemain de notre arrivée à Lari, le Liang Tai ou fournisseur, au lieu de venir saluer officiellement l'état-major de la caravane, se contenta de nous envoyer en guise de carte de visite une feuille de papier rouge où étaient inscrits les caractères de ce nom. Il fit ajouter par son commissionnaire qu'une grave maladie le retenait dans sa chambre. Li Kuangang nous dit à voix basse et avec un sourire plein de malice « Le Liang Tai sera guéri quand nous serons partis. » Aussitôt que nous fûmes seuls, il s'écria « Ah, je m'en doutais bien. » Toutes les fois qu'une caravane passe, le Liang Tai Sui, nom du mandarin, est à l'agonie. C'est un fait connu de tout le monde. D'après les rites, il aurait dû nous préparer aujourd'hui un festin de première classe, et c'est pour s'en dispenser qu'il fait le malade. Le Liang Tai Sui est l'homme le plus avare qu'on puisse imaginer. Il est toujours vêtu comme un porteur de palanquin, il mange du tsamba comme un barbare du Tibet, jamais il ne fume, jamais il ne joue, jamais il ne boit de vin. Le soir, sa maison n'est pas éclairée. Il se met au lit à tâtons et se lève toujours très tard, de peur d'avoir faim de trop bonne heure. Oh, un être comme cela n'est pas un homme, c'est un œuf de tortue. L'ambassadeur Kichon veut le casser, et il fera bien. Est-ce que dans votre pays vous avez des Liang Tai de ce genre? Quelle question! Les Liang Tai du royaume de France ne se couchent jamais sans chandelle, et quand les oulas passent chez eux, ils ne manquent jamais de préparer un bon dîner. Ah, c'est cela! Voilà les rites. Mais ce Sui Mouchou. À ces mots, nous ne pûmes nous empêcher de partir d'un grand éclat de rire. À propos, savez-vous pourquoi le Liang Tai Sui est appelé Sui Mouchou? Ce nom nous paraît bien ignoble. Ignoble, c'est vrai. Mais il fait allusion à une anecdote bien singulière. Le Liang Tai Sui, avant d'être envoyé à Lari, exerçait le mandarinat dans un petit district de la province du Kiangxi. Un jour, deux hommes du temple se présentèrent à son tribunal et le prièrent de prononcer son jugement au sujet d'une truie dont ils se contestaient mutuellement la propriété. Le juge Sué prononça ainsi son arrêt. « Ayant séparé la vérité du mensonge, je vois clairement que cette truie n'est ni à toi, ni à toi. Je déclare donc qu'elle m'appartient, qu'on respecte ce jugement. » Les satellites du tribunal allèrent s'emparer de la truie, et le juge la fit vendre au marché voisin. Depuis cet événement, le mandarin Sué est appelé partout Sué Mouchou, c'est-à-dire Sué la truie. Le récit de cette aventure nous fit vivement regretter d'être obligés de nous mettre en route, sans voir la physionomie de cet intéressant personnage. Nous quittâmes la ville de Lari avec un temps variable. Notre première journée de marche ne fut que de 60 lits et n'offrit de remarquable qu'un grand lac auquel on donne 8 lits de largeur et 10 de longueur. Il était glacé et nous pûmes le traverser avec beaucoup de facilité grâce à une légère couche de neige dont il était recouvert. Nous logeâmes dans un pauvre hameau nommé Tsachuka, non loin duquel on trouve des eaux thermales. Les Tibétains vont s'y baigner et ne manquent pas de leur attribuer des propriétés merveilleuses. Le lendemain, nous eûmes une grande journée de fatigue et de tribulation. Nous traversâmes la montagne de Chorkula, qui, par sa hauteur et ses escarpements, peut avantageusement rivaliser avec celle de Lari. Nous en commençâmes l'ascension, le cœur plein d'anxiété, car le ciel gris et lourd qui pesait sur nous semblait nous présager du vent ou de la neige. La miséricorde de Dieu nous préserva de l'un et de l'autre. Vers le milieu du jour, il s'éleva un petit vent du nord, dont la piquante froidure nous eut bientôt fendillé la peau du visage. Mais il ne fut pas assez fort pour soulever les épaisses couches de neige qui enveloppaient la montagne. Quand nous fûmes parvenus au sommet, nous nous reposâmes un instant à l'abri d'un grand tobeau en pierre et nous déjeunâmes en fumant une pipe de tabac. Pendant ce frugal repas, le mandarin Li Kuangang nous dit que du temps des guerres de Qianlong contre le Tibet, les troupes chinoises, aigries par les fatigues et les privations d'un long voyage, s'étaient mutinées en franchissant le Chorkula. C'est sur ce plateau, nous dit-il, que les soldats s'emparèrent de leur chef, et après les avoir garrottés, les menacèrent de les précipiter dans ce gouffre si on ne leur promettait pas une augmentation de solde. Les généraux ayant pris l'engagement de faire droit aux réclamations de l'armée, la sédition s'apaisa. Les mandarins furent mis en liberté, et on continua tranquillement la route jusqu'à Lari. Aussitôt qu'on fut arrivé dans cette ville, les généraux tinrent leur promesse. On augmenta la solde. Mais en même temps, ces troupes insubordonnées furent impitoyablement décimées. « Et que dire les soldats ? » demandâmes-nous à Li Kuangang. Ceux sur qui le sort ne tomba pas rirent beaucoup et trouvèrent que les chefs avaient eu une grande habileté. En quittant le sommet du Chorkula, on suit une route peu inclinée et on continue à voyager pendant plusieurs jours sur les hauteurs d'un immense massif dont les nombreux rameaux étalent au loin leurs cimes aiguës et les faces escarpées de leurs pics. Depuis Lhasa jusqu'à la province du Sichuan, dans toute l'étendue de cette longue route, on ne vit jamais que de vastes chaînes de montagnes entrecoupées de cataractes, de gouffres profonds et d'étroits défilés. Ces montagnes sont tantôt entassées pêle-mêle et présentent à la vue les formes les plus bizarres et les plus monstrueuses. Tantôt elles sont rangées et pressées symétriquement les unes contre les autres, comme les dents d'une immense scie. Ces contrées changent d'aspect à chaque instant et présentent aux yeux des voyageurs des tableaux d'une variété infinie. Cependant, au milieu de cette inépuisable diversité, la vue continuelle des montagnes répand sur la route une certaine uniformité qui finit par devenir fatigante. Une relation détaillée d'un voyage dans le Tibet pouvant par contre-coup se ressentir de cette monotonie, nous nous abstiendrons de peur de tomber dans de trop fastidieuses répétitions de parler des montagnes ordinaires. Nous nous contenterons de mentionner les plus fameuses, celles qui, selon l'expression des Chinois, réclament la vie des voyageurs. Cette manière, d'ailleurs, sera assez conforme au style des habitants de ces contrées montagneuses, qui nomment plaines tout ce qui ne va pas se perdre dans les nuages et chemins unis tout ce qui n'est pas précipice ou labyrinthe. Les hautes régions que nous suivîmes, après avoir franchi le Chorkula, sont considérées dans le pays comme une route plane. D'ici à Lanto, nous dirent les gens de l'escorte tibétaine, il n'y a pas de montagne. Le chemin est partout comme cela, et ils nous montraient la paume de leurs mains. Cependant, ajoutaient-ils, il est nécessaire d'user de beaucoup de précautions. car les sentiers sont quelquefois étroits et glissants. Or, voici ce qu'était cette route plane et unie comme la paume de la main. Aussitôt que l'on a quitté les sommités du Chor Kula, on rencontre une longue série de gouffres épouvantables, bordés des deux côtés par des montagnes taillées perpendiculairement et s'élevant comme deux grandes murailles de roches vives. Les voyageurs sont obligés de longer ces profonds abîmes en suivant à une grande hauteur un rebord si étroit que souvent les chevaux trouvent tout juste la place nécessaire pour poser leurs pieds. Dès que nous vîmes les bœufs de la caravane s'acheminer sur cet horrible passage et que nous entendîmes le sourd mugissement des eaux s'élever des profondeurs de ces gouffres, nous fûmes saisis d'épouvante et nous descendîmes de cheval. Mais tout le monde nous cria aussitôt de remonter. On nous dit que les chevaux, accoutumés à un semblable voyage, auraient le pied plus sûr que nous, qu'il fallait les laisser aller à volonté, nous contentant de nous tenir solidement sur les étriers et d'éviter de regarder à côté de nous. Nous recommandâmes notre âme à Dieu et nous nous mîmes à la suite de la colonne. Nous ne tardâmes pas à nous convaincre qu'il nous eût été en effet impossible de garder longtemps l'équilibre sur ce terrain glissant et scabreux. Il nous semblait toujours qu'une force invincible nous attirait vers ces abîmes insondables. De peur d'être saisis par le vertige, nous tenions la tête tournée contre la montagne, dont la coupure était quelquefois tellement droite et unie qu'elle n'offrait pas même un étroit rebord où les chevaux pussent placer leurs pieds. On passait alors sur de gros troncs d'arbres couchés sur des pieux enfoncés horizontalement dans la montagne. À la seule vue de ces ponts affreux, nous sentions une sueur glacée ruisseler de tous nos membres. Cependant, il fallait toujours avancer, car reculer ou descendre de cheval était deux choses absolument impossibles. Après être restés pendant deux jours entiers perpétuellement suspendus entre la vie et la mort, nous quittâmes enfin cette route, la plus horrible et la plus dangereuse qu'on puisse imaginer, et nous arrivâmes à Alanto. Tout le monde était transporté de joie, et on se félicitait mutuellement de n'avoir pas roulé dans l'abîme. Chacun racontait, avec une sorte d'exaltation fébrile, les terreurs qu'il avait éprouvées dans les passages les plus difficiles. Le débat de Alanto, en apprenant qu'aucun homme n'avait péri, trouva que la caravane avait eu un bonheur inouï. Trois bœufs chargés de bagages avaient bien été engloutis, mais ces accidents ne comptaient pas, il ne valait pas la peine qu'on s'en occupât. Li Kuangang nous dit qu'il n'avait jamais traversé le défilé de Alanto sans être témoin d'affreux malheurs. Dans son voyage précédent, quatre soldats avaient été précipités du haut de la montagne avec les chevaux qu'ils montaient. Tout le monde avait à raconter des catastrophes dont le simple récit faisait dresser les cheveux sur la tête. On s'était abstenu de nous parler à l'avance de tout cela, de peur que nous ne voulussions pas continuer la route. Au fait, s'il nous eût été donné d'entrevoir depuis Lhasa les abîmes épouvantables de Alanto, il est probable que l'ambassadeur Kitchan eût difficilement réussi à nous faire entreprendre ce voyage. De Alanto, où l'on change à Léoula, nous descendîmes à travers une épaisse forêt de sapins dans une vallée, où nous nous arrêtâmes après 90 lis de marche, dans un village nommé Langkitsung. Ce poste est un des plus pittoresques et des plus agréables que nous ayons rencontrés sur toute notre route. Il est situé au milieu d'une plaine, bornée de tous côtés par des montagnes peu élevées et dont les flancs sont couverts d'arbres de hautes futaies. La campagne est assez fertile et les Tibétains de cette contrée paraissent la cultiver avec beaucoup de soin. Les champs sont arrosés par un ruisseau abondant dont les eaux charrient une grande quantité de paillettes d'or. C'est pour cette raison que les Chinois donnent à cette vallée le nom de Kinkeu, c'est-à-dire gorge d'or. Les maisons de Langkitsung sont d'une construction extrêmement remarquable. Il n'y entre absolument que des troncs d'arbres dépouillés de leur écorce et dont on a retranché les deux extrémités afin qu'ils aient à peu près la même dimension dans toute leur longueur. D'énormes pieux sont d'abord plantés en terre, à une grande profondeur. La partie qui s'élève au-dessus du sol a tout au plus 2 pieds de hauteur. Sur ces pieux, on arrange ensuite horizontalement et les uns à côté des autres les troncs de sapin qu'on a déjà préparés. Cela forme comme la base et le plancher de la maison. Des troncs semblables aux premiers et placés les uns au-dessus des autres servent à construire des murs remarquables par leur épaisseur et leur solidité. Le toit est encore fait avec des troncs recouverts de larges écorces d'arbres, qu'on dispose comme des ardoises. Ces maisons ressemblent entièrement à d'énormes cages dont tous les barreaux seraient étroitement serrés les uns contre les autres. Si, entre les jointures, il se trouve quelques légers interstices, on les bouche avec de la fiente de bœuf. On fait quelquefois, d'après cette méthode, des habitations très grandes et à plusieurs étages. Elles sont très chaudes et toujours à l'abri de l'humidité. Elles ont seulement l'inconvénient d'avoir un plancher très inégal et extrêmement désagréable. Si jamais il prend fantaisie aux habitants de Lang Kitsung d'adopter l'usage de donner des balles à domicile, ils seront peut-être obligés de modifier un peu leur système de construction. Pendant que nous attendions avec patience et en silence, au milieu de notre grande cage, qu'on voulut bien nous servir à souper, le débat de Lang Kitsung et le caporal du corps de garde chinois vinrent nous annoncer qu'ils avaient une petite affaire à régler. « Quelle affaire ? » s'écria Li Kun-gan d'un ton plein d'emportement. « Quelle affaire ? » « Je comprends, vos oulas ne sont pas prêts. »« Ce n'est pas cela, » répondit le débat. « Jamais à Lang Kitsung les oulas n'ont fait attendre personne. Vous les aurez ce soir, si vous voulez. Mais je dois vous avertir que la montagne de Tanda est infranchissable. Pendant 8 jours consécutifs, il est tombé une si grande abondance de neige que les chemins ne sont pas encore ouverts. Nous avons bien passé le Chorkula. Pourquoi ne franchirions-nous pas également le Tanda ? Qu'est-ce que le Chorkula auprès du Tanda ? Ces montagnes ne peuvent pas se comparer entre elles. Hier, 3 hommes du district de Tanda ont voulu s'aventurer sur la montagne et 2 ont disparu dans les neiges. Le 3e est arrivé ici ce matin, seul et à pied, car son cheval a été aussi englouti. Au reste, ajouta le débat, avec une gravité un peu sauvage, vous pouvez partir quand vous voudrez. Les oulas sont à vos ordres. Mais vous serez obligé de payer les bœufs et les chevaux qui mourront en route. » Après avoir formulé ainsi son ultimatum, le diplomate tibétain nous tira la langue, se gratta l'oreille et sortit. Pendant que le pacificateur des royaumes, le lama Tsiam Chong et quelques autres personnages expérimentés de la caravane discutaient avec emportement la question du départ, nous prîmes l'itinéraire chinois et nous illûmes le passage suivant. La montagne de Tanda est extrêmement escarpée et difficile à gravir. Un ruisseau y découle en serpentant par un étroit ravin. Pendant l'été, son lit est fangeux et glissant, et pendant l'hiver, il est couvert de glace et de neige. Les voyageurs armés de bâtons les traversent les uns après les autres comme une file de poissons. C'est le passage le plus difficile sur tout le chemin qui conduit à Lhasa. À la lecture de cette dernière phrase, le livre nous tomba des mains. Après un moment de stupeur, nous reprîmes le livre pour bien nous assurer si nous avions lu exactement. Nous ne nous étions pas trompés, il y avait en toutes lettres. C'est le passage le plus difficile sur tout le chemin qui conduit à Lhasa. La perspective d'avoir à suivre une route encore plus difficile que celle de Alanto avait de quoi nous figer le sang dans les veines. L'ambassadeur Kitchan, nous disions-nous, est évidemment un lâche assassin. N'ayant pas osé nous tuer à Lhasa, il nous a envoyé mourir au milieu des neiges. Cet accès de découragement ne dura qu'un instant. Dieu, dans sa bonté, nous rendit peu à peu toute notre énergie et nous nous levâmes pour prendre part à la discussion qui s'était engagée autour de nous. Il fut résolu que le lendemain, quelques hommes de la caravane partiraient avant le jour pour aller sonder la profondeur de la neige et s'assurer par leurs propres yeux du véritable état des choses. Vers midi, les explorateurs de la route furent de retour et annoncèrent que le mont Tanda était infranchissable. Cette nouvelle désola tout le monde. Nous-mêmes, quoique ordinairement peu pressés, nous en fûmes assez contrariés. Le temps était beau et nous pouvions craindre, si nous n'en profitions pas, d'avoir plus tard de nouvelles neiges et de voir ainsi notre départ indéfiniment ajourné. Pendant que nous délibérions avec anxiété sur le parti que nous avions à prendre, le débat du lieu vint nous tirer d'embarras. Il nous proposa d'envoyer un troupeau de bœufs fouler pendant 2 jours la neige qui encombrait le chemin de la montagne. « Avec cette précaution, nous dit-il, si le temps se maintient toujours dans le même état, je crois que vous pourrez sans crainte vous mettre en route. » La proposition du débat fut accueillie par tout le monde avec empressement et reconnaissance. En attendant que les bœufs à long poil nous eussent tracé un chemin, nous goûtâmes à Lang Kitsung quelques jours d'un repos agréable et salutaire. Les Tibétains de cette vallée étaient de mœurs plus douces et plus civilisées que ceux que nous avions rencontrés depuis notre départ de Lari. Matin et soir, ils fournirent abondamment aux frais de notre cuisine. Ils nous apportaient des faisans, de la viande de cerf, du beurre frais, et une espèce de petit tubercule sucré qu'ils allaient recueillir sur les montagnes. La prière, la promenade et quelques parties d'échecs contribuèrent à nous faire trouver délicieuses ces journées d'attente. Le jeu d'échecs dont nous nous servions nous avait été donné par le régent de Lhassa. Les pièces étaient en ivoire et représentaient divers animaux sculptés avec assez de délicatesse. Les Chinois, comme on sait, sont passionnés pour les échecs, mais leur jeu diffère beaucoup du nôtre. Les Tartares et les Tibétains connaissent aussi les échecs. Et chose étonnante, leur échiquier est absolument semblable au nôtre. Leurs pièces, quoique de formes différentes, ont la même valeur que les nôtres et suivent la même marche. Enfin, les règles du jeu sont en tout point identiques. Ce qu'il y a encore de plus surprenant, c'est que ces peuples disent « chic » lorsqu'ils font échec à une pièce et « mat » lorsque la partie est terminée. Ces expressions, qui ne sont ni tibétaines ni mongoles, sont néanmoins employées par tout le monde sans que personne puisse expliquer leur origine et leur véritable signification. Les Tibétains et les Tartares n'étaient pas peu surpris quand nous leur apprenions que dans notre pays, on disait également « échec et mat ». Il serait assez curieux de faire l'archéologie du jeu d'échecs, de rechercher son origine, sa marche chez les différents peuples, son introduction dans la Haute Asie avec les mêmes règles et les mêmes locutions techniques qu'on retrouve en Europe. Ce travail appartient de droit au Palamède, revue française des échecs. Nous avons rencontré parmi les Tartares des joueurs d'échecs de la première force. Ils jouent brusquement et avec moins d'application que les Européens, mais leurs coups n'en sont pas moins sûrs. Après 3 jours de repos, le débat de Lanky Tsung nous ayant annoncé que les bœufs à long poil avaient suffisamment foulé les sentiers de la montagne, nous nous mîmes en route. Le ciel était sombre et le vent soufflait avec assez de force. Dès que nous fûmes arrivés au pied du tanda, nous aperçûmes une longue traînée noirâtre qui, semblable à une immense chenille, se mouvait lentement sur les flancs escarpés de la montagne. Les conducteurs de Lanky Tsung nous dirent que c'était une troupe de lamas qui revenait du pèlerinage de Lhassa Moru et qui avait campé pendant la nuit à l'extrémité de la vallée. La vue de ces nombreux voyageurs anima notre courage et nous entreprîmes avec ardeur l'ascension de la montagne. Avant que nous fussions arrivés au sommet, le vent se mit à souffler avec impétuosité et à bouleverser la neige. On eût dit que la montagne tout entière entrait en décomposition. La montée devenait si escarpée que ni hommes ni animaux n'avaient plus la force de grimper. Les chevaux s'abattaient presque à chaque pas, et s'ils n'eussent été retenus par de grands amas de neige, plus d'une fois ils eussent rapidement roulé jusqu'à la vallée de Lanky Tsung. M. Gabay, qui ne s'était jamais bien remis de la maladie que lui avait occasionnée notre premier voyage, fut sur le point de ne pouvoir arriver au haut du tanda. N'ayant plus la force de se tenir cramponné à la queue de son cheval, il tomba d'épuisement et resta presque entièrement enseveli dans la neige. Les hommes de l'escorte tibétaine allèrent à son secours et parvinrent, après de longs et pénibles efforts, à le hisser jusqu'au sommet. Il y arriva plus mort que vif. Sa figure était livide et sa poitrine haletante faisait entendre un bruit semblable au râle de la mort. Nous rencontrâmes sur le plateau de la montagne les lamas pèlerins qui nous avaient précédés. Ils étaient tous couchés dans la neige, ayant à côté d'eux leurs longs bâtons ferrés. Quelques ânes, chargés de bagages, étaient serrés les uns contre les autres, grelottant au vent et portant bas leurs longues oreilles. Quand tout le monde eut suffisamment repris haleine, on se remit en route. La descente étant presque perpendiculaire, il n'était besoin que de se coucher et de s'abandonner à son propre poids pour être assuré de faire rapidement du chemin. La neige, dans cette circonstance, nous fut plutôt favorable que nuisible. Elle formait, au-dessus des aspérités du sol, un épais tapis qui nous permettait de rouler impunément. On eut à déplorer que la perte d'un âne, qui, voulant trop s'écarter de la route tracée, alla se précipiter dans un abîme. Aussitôt que nous fûmes arrivés à Tanda, le mandarin Li Kuangang secoua la neige dont ses habits étaient couverts, se coiffa de son chapeau de cérémonie et se rendit, accompagné de tous ses soldats, à une petite pagode chinoise que nous avions rencontrée à l'entrée du village. On rapporte que du temps des guerres de Qianlong contre les Tibétains, un des Liangtai, chargé d'approvisionner l'armée chinoise, franchissait pendant l'hiver la montagne de Tanda pour se rendre à Lari. En passant sur les bords d'un abîme rempli de neige, un bœuf à long poil laissa tomber une caisse d'argent dont il était chargé. À cette vue, le Liangtai sauta le cheval, se précipita sur la caisse qu'il étreignit dans ses bras et roula sans lâcher son trésor jusqu'au fond de l'abîme. La tradition ajoute qu'au printemps, la neige étant fondue, on retrouva le Liangtai debout sur sa caisse d'argent. L'empereur Qianlong, pour honorer le dévouement de ce fournisseur, qui n'avait pas voulu se séparer du dépôt qui lui avait été confié, le nomma esprit de la montagne de Tanda et lui fit élever une pagode dans le village. Les mandarins qui font le voyage de Lhasa ne manquent jamais d'aller visiter ce temple et de se prosterner 3 fois devant l'idole du Liangtai. Les empereurs chinois sont dans l'usage de diviniser ainsi les officiers civils ou militaires dont la vie a été signalée par quelques faits mémorables. Le culte qu'on leur rend constitue la religion officielle des mandarins. En quittant le village de Tanda, on voyage pendant 60 li dans une plaine nommée Piampa et qui, selon l'itinéraire chinois, est la plus étendue du Tibet. Si cette observation est exacte, il faut que le Tibet soit un pays bien abominable, car d'abord cette prétendue plaine est toujours entrecoupée de collines et de ravins, puis elle est si peu large qu'en voyageant au milieu, on peut très bien distinguer un homme placé au pied des montagnes environnantes. Après la plaine de Piampa, on suit pendant 50 li les sinuosités d'un petit ruisseau serpentant parmi les montagnes et l'on arrive à Lhadze, où l'on change les oulas. De Lhadze au poste de Barilang, il y a 100 li de marche. Les 2/3 de la route sont occupées par la fameuse montagne Chakla. Elle est du nombre de celles qui sont réputées meurtrières et que les Chinois nomment Yao Ming Ti Chan, c'est-à-dire montagne qui réclame la vie. Nous en effectuâmes l'ascension et la descente sans accident. Nous nous sentîmes même assez peu fatigués, car nous commencions à nous faire au rude métier d'escalader journellement des montagnes. De Barilang, nous suivîmes une route assez facile, d'où l'on apercevait çà et là la fumée s'élever de quelques pauvres habitations tibétaines isolées dans les gorges des montagnes. Nous rencontrâmes plusieurs tentes noires et de nombreux troupeaux de bœufs à longs poils. Après 100 li de marche, nous arrivâmes à Chobando. Chobando est une petite ville dont les maisons et les lamaseries, peintes avec une dissolution d'ocre rouge, offrent de loin un aspect bizarre et assez agréable. La ville est adossée à une montagne et se trouve enfermée sur le devant par une rivière peu large mais profonde. On la passe sur un pont de bois qui tremble et gémit sous les pas des voyageurs et paraît à chaque instant vouloir se disloquer. Chobando est le poste militaire le plus important qu'on rencontre après avoir quitté Lhari. Il est composé de 25 soldats et d'un officier portant le titre de Tsien Tsung. Ce mandarin militaire était un ami intime de Li, le pacificateur des royaumes. Ils avaient servi ensemble pendant plusieurs années sur les frontières du Gorkha. Nous fûmes invités à souper chez le Tsien Tsung, qui trouva le moyen de nous servir, au milieu de ces contrées sauvages et montagneuses, un repas splendide où étaient étalées des friandises chinoises de toutes sortes. Pendant le souper, les 2 frères d'armes se donnèrent la satisfaction de parler longuement de leurs vieilles aventures. Au moment où nous allions nous coucher, 2 cavaliers portant une ceinture garnie de grelots arrivèrent dans la cour de l'hôtellerie. Ils s'arrêtèrent quelques minutes et repartirent au grand galop. On nous dit que c'était le courrier extraordinaire, porteur des dépêches que l'ambassadeur Kichan envoyait à Pékin. Il était parti de Lhasa depuis 6 jours seulement et avait déjà parcouru plus de 2000 li, 200 lieues. Ordinairement, les dépêches ne mettent que 30 jours pour aller de Lhasa à Pékin. Cette célérité ne paraîtra pas sans doute prodigieuse, surtout si on la compare à celle des courriers d'Europe. Mais si l'on fait attention à l'excessive difficulté des chemins, on la trouvera peut-être assez étonnante. Les estafettes accélérées, qui font le service des postes dans le Tibet, voyagent jour et nuit. Ils sont toujours 2, un soldat chinois et un guide tibétain. À chaque 100 li à peu près, ils trouvent sur la route des chevaux de rechange, mais les hommes se remplacent moins souvent. Ces courriers voyagent attachés sur leurs selles avec de larges courroies. Ils ont l'habitude d'observer un jour de jeûne rigoureux avant de monter à cheval. Et pendant tout le temps qu'ils sont en course, ils se contentent d'avaler 2 œufs à la coque chaque fois qu'ils arrivent à un relais. Les hommes qui font ce pénible métier parviennent rarement à un âge avancé. Beaucoup se précipitent dans les abîmes ou demeurent ensevelis sous la neige. Ceux qui échappent aux accidents de la route meurent victimes des maladies qu'ils contractent facilement au milieu de ces contrées meurtrières. Nous n'avons jamais compris comment ces courriers pouvaient voyager de nuit parmi ces montagnes du Tibet, où presque à chaque pas on rencontre d'affreux précipices. On remarque à Chobando 2 couvents bouddhiques où résident de nombreux lamas appartenant à la secte du bonnet jaune. Dans un de ces couvents, il y a une grande imprimerie qui fournit les livres sacrés aux lamaseries de la province de Khan. De Chobando, après 2 longues et pénibles journées de marche dans les sinuosités des montagnes et à travers d'immenses forêts de pins et de houx, on arrive à Kiayukiao. Ce village est construit sur les bords escarpés du fleuve Sukchu qui coule entre 2 montagnes et dont les eaux sont larges, profondes et rapides. À notre arrivée, nous trouvâmes les habitants de Kiayukiao plongés dans la désolation. Il y avait peu de temps qu'un grand pont de bois, jeté sur le fleuve, s'était écroulé. 2 hommes et 3 bœufs, qui se trouvaient dessus au moment de sa chute, avaient péri dans les eaux. Nous pûmes voir encore les débris de ce pont, construit avec de grands troncs d'arbres. Le bois, entièrement pourri, annonçait que le pont était tombé de vétusté. À la vue de ces tristes ruines, nous remerciâmes la Providence de nous avoir retenus pendant 3 jours devant la montagne de Tanda. Si nous fussions arrivés à Kiayukiao avant la chute du pont, il se serait probablement affaissé sous le poids de la caravane. Contre notre attente, cet accident n'apporta aucun retard à notre voyage. Le débat du lieu se hâta de faire construire un radeau, et le lendemain nous pûmes, aussitôt que parut le jour, continuer notre route. Les hommes, les bagages et les selles traversèrent le fleuve en radeau et les animaux à la nage. 30 lis après avoir quitté Kiayukiao, nous rencontrâmes un pont en bois suspendu sur un affreux précipice. Ayant l'imagination encore pleine du malheur de Kiayukiao, nous sentîmes à la vue de ce passage périlleux un frisson de terreur courir par tous nos membres. Par précaution, on fit d'abord passer les animaux les uns après les autres. Le pont gémit, chancela sous leurs pas, mais il tint bon. Les hommes vinrent ensuite. On avançait tout doucement sur la pointe des pieds, en se faisant léger autant qu'il était possible. Tout le monde passa sans accident et la caravane se remit en marche dans l'ordre accoutumé. Après avoir gravi une montagne peu haute, mais rocailleuse et escarpée, au pied de laquelle bondissait un torrent impétueux, nous allâmes loger à Wahochai, station composée d'un corps de garde, d'un petit temple chinois et de 3 ou 4 maisons tibétaines. Dès que nous fûmes arrivés, la neige se mit à tomber par gros flocons. Ailleurs, un pareil temps eût été seulement désagréable, mais à Wahochai, il était calamiteux. Nous avions à faire le lendemain une étape de 150 lis sur un plateau fameux dans tout le Tibet. L'itinéraire nous donnait sur cette route les détails suivants. Sur la montagne Waho se trouve un lac. Pour qu'on ne s'égare pas dans les brouillards épais qui règnent ici, on a établi sur les hauteurs des signaux en bois. Quand la montagne est couverte d'une neige profonde, on se guide par ces signaux. Mais il faut se garder d'y faire du bruit, et ceux qui y passent doivent s'abstenir de proférer la moindre parole. Sans cela, la glace et la grêle se précipiteraient sur eux en abondance et avec une célérité étonnante. Sur toute la montagne, on ne trouve ni quadrupèdes ni oiseaux, car elle est gelée pendant les 4 saisons de l'année. Sur ses flancs, et à 100 lis de distance, il n'y a aucune habitation. Beaucoup de soldats chinois et de tibétains y meurent de froid. Les soldats du corps de garde de Wahochai, ayant vu que le temps était sérieusement tourné à la neige, ouvrirent les portes de la petite pagode et allumèrent une foule de petites chandelles rouges devant une idole menaçante, brandissant un glaive de sa main droite et tenant de l'autre un arc et un faisceau de flèches. Ils frappèrent ensuite, à coups redoublés, sur un petit tam-tam et exécutèrent des roulements sur un tambourin. Li Kuangang se revêtit de son costume officiel et alla se prosterner devant l'idole. Quand il fut de retour, nous lui demandâmes en l'honneur de qui on avait élevé cette pagode. « Mais c'est la pagode du Kankyung Maoling. Et qu'a donc fait ce Kankyung pour être ainsi honoré ?»« Oh, je vois que vous ne connaissez pas cet événement des temps passés. Je vais vous le raconter. Au temps du règne de Kang He, l'Empire était en guerre avec le Tibet. Mao Ling fut envoyé contre les rebelles en qualité de généralissime. Au moment où il allait passer la montagne Waho, avec un corps de 4000 hommes, des gens du pays qui lui servaient de guide l'avertirent qu'en traversant la montagne, tout le monde devait garder le silence sous peine d'être enseveli sous la neige. Le Kyongkyun promulgua aussitôt un édit pour prévenir ses soldats, et l'armée se mit en marche sans bruit et dans le plus profond silence. Comme la montagne était trop étendue pour que des soldats, chargés de bagages, puissent la traverser en un seul jour, on campa sur le plateau. Conformément à la règle établie pour les grandes villes de l'Empire et pour les campements en temps de guerre, dès que la nuit fut close, on tira un coup de canon. Mao Ling n'avait pas osé enfreindre cette règle de la discipline militaire. À peine le canon eut-il retenti que d'énormes blocs de neige se précipitèrent du haut du ciel sur la montagne. Le Kyongkyun et tous ses soldats furent ensevelis dans la neige sans qu'on ait jamais pu retrouver leurs cadavres. Il n'y eut de sauvé que le cuisinier et trois domestiques de Mao Ling qui avaient pris les devants et étaient arrivés le jour même au village où nous sommes actuellement. L'empereur Kang He a créé le Kyongkyun Mao Ling, génie tutélaire de la montagne Waho, et lui a fait construire cette pagode à la charge de protéger les voyageurs contre la neige. Li Kuangang ayant terminé son histoire, nous lui demandâmes quel était l'être puissant qui envoyait cette quantité épouvantable de grêle, de glace et de neige quand on s'avisait de faire du bruit en traversant le mont Waho. « C'est tout simple, » nous répondit-il. « Ce ne peut être que l'esprit de la montagne, le Yama Ching Ching, le crapaud divinisé. »« Un crapaud divinisé ? Mais oui, vous savez que sur le sommet du Waho, il y a un lac. » Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'itinéraire. Eh bien, sur les bords de ce lac, il y a un grand crapaud. On le voit difficilement, mais on l'entend souvent gémir et crier à plus de 100 lis à la ronde. Ce crapaud habite les bords du lac depuis l'existence du ciel et de la terre. Comme il n'a jamais quitté ce lieu solitaire, il s'est divinisé et est devenu esprit de la montagne. Quand les hommes font du bruit et troublent le silence de sa retraite, il se met en colère contre eux et les punit en les accablant de grêle et de neige. En vérité, tu parais parler sérieusement. Est-ce que tu crois qu'un crapaud ait pu se diviniser et devenir esprit? Pourquoi pas, si chaque nuit il était exact à adorer la grande ours? Quand Li Kuangang en venait à son singulier système de la grande ours, il n'y avait plus moyen de raisonner avec lui. Nous nous contentâmes donc de le regarder en souriant et sans lui répondre. « Bon, ajouta-t-il, vous riez parce que je parle des sept étoiles. Au fait, puisque vous ne croyez pas à leur influence, j'ai tort de vous en parler. J'aurais dû me contenter de vous dire que le crapaud de Waho s'était divinisé parce qu'il avait toujours vécu dans la solitude, sur une montagne sauvage et inaccessible aux hommes. Est-ce que ce ne sont pas les passions des hommes qui pervertissent tous les êtres de la création et les empêchent de se perfectionner? Est-ce que les animaux ne deviendraient pas à la longue des esprits s'ils ne respiraient pas un air empoisonné par la présence de l'homme? Cette raison nous ayant paru un peu plus philosophique que la première, nous lui accordâmes les honneurs d'une réponse sérieuse. Li Kuangang, qui avait le raisonnement droit quand il ne se laissait pas embrouiller par sa grande ours, finit par douter de la puissance du crapaud divinisé et de la protection de Kyongkyun Mao Ling. Au moment où nous allions faire notre prière du soir, Li Kuangang nous dit « Quoi qu'il en soit du crapaud et du Kyongkyun, il est certain que la route de demain sera fatigante et dangereuse. Puisque vous êtes des lamas du Seigneur du Ciel, priez-le de protéger la caravane. » « C'est ce que nous faisons tous les jours, » lui répondîmes-nous. « Mais à cause de la route de demain, nous le ferons ce soir d'une manière spéciale. » Il y avait tout au plus 2 heures que nous étions couchés, lorsqu'un des soldats du corps de garde entra bruyamment dans notre chambre, suspendit à une cheville plantée au mur une grosse lanterne rouge et nous avertit que le coq avait déjà chanté une fois. Il fallut se lever et faire promptement les préparatifs du départ, car nous avions 150 lits de marche avant d'arriver au relais suivant. Le ciel était tout étoilé, mais la neige était tombée dans la soirée en si grande abondance qu'en peu de temps elle avait ajouté aux vieilles couches une couche nouvelle d'un pied d'épaisseur. C'était tout ce qu'il nous fallait pour nous servir de tapis et nous faciliter le passage du Waho, montagne perpétuellement recouverte de neige gelée et presque aussi glissante qu'un glacier. La caravane se mit en mouvement longtemps avant le jour. Elle s'avança lentement et en silence dans les sentiers tortueux de la montagne, suffisamment éclairés par la blancheur de la neige et la clarté des étoiles. Le soleil commençait à rougir l'horizon lorsque nous arrivâmes sur le plateau. La crainte du grand crapaud s'étant dissipée avec la nuit, on s'affranchit du silence auquel on s'était condamné. D'abord, les conducteurs des bagages se mirent à maudire à haute voix les bœufs à longs poils qui allaient flâner et folâtrer hors des sentiers. Peu à peu, les voyageurs hasardèrent quelques réflexions sur la douceur de la température et la facilité inespérée de la route. Enfin, on se moqua complètement de la colère du crapaud. De toutes parts, on se mit à jaser, à crier et à chanter, sans paraître craindre le moins du monde la chute de la neige et de la grêle. Jamais, peut-être, la caravane n'avait été aussi bruyante que ce jour-là. L'aspect du plateau de Waho est profondément triste et mélancolique. Aussi loin que la vue peut s'étendre, on n'aperçoit jamais que la neige, pas un seul arbre, pas même une seule trace d'animal sauvage qui vienne interrompre la monotonie de cette immense plaine. Seulement, de distance en distance, on rencontre quelques longues perches noircies par le temps qui servent à guider la marche des caravanes. Sur cette longue montagne, les voyageurs ne trouvent pas même un endroit où ils puissent préparer leur thé et prendre un peu de nourriture. Ceux qui n'ont pas la force de passer 20 heures sans boire ni manger dévorent, chemin faisant, quelques poignées de neige et un peu de pâte de tsamba préparée à l'avance. Pendant toute la journée, le ciel fut continuellement pur et serein, sans que le plus petit nuage vînt un seul instant voiler les rayons du soleil. Cet excès de beau temps fut pour nous la source de bien grandes souffrances. L'éclat de la neige était si vif et si éblouissant que les lunettes de crin furent incapables de préserver nos yeux d'une dévorante inflammation. Au moment où les ténèbres commençaient à se répandre sur la montagne, nous étions sur les bords du plateau. Nous descendîmes par un chemin étroit et escarpé, et après 1000 circuits dans une gorge profonde, nous arrivâmes enfin au relais de Ngenda Chai, où tout le monde passait la nuit au milieu d'intolérables souffrances. Chacun poussait des cris et des gémissements, comme si on lui eût arraché les yeux. Le lendemain, il fut impossible de se mettre en route. Le lama Tsiam Chang, qui était quelque peu apothicaire, fit une distribution générale de médicaments. On fabriqua des colliers de toute espèce, et tout le monde passa la journée avec les yeux bandés. Grâce aux drogues du lama, le lendemain, nous pûmes rouvrir les yeux et continuer notre route. 3 étapes nous séparaient de Tsiamdo. Elles furent pénibles et irritantes, car nous fûmes obligés de passer sur une multitude de ces détestables ponts de bois suspendus au-dessus des torrents, des rivières et des précipices. Le souvenir de la récente catastrophe de Kiayu Kiao nous poursuivait sans cesse. Après avoir suivi pendant 20 lis un étroit sentier sur les bords escarpés du grand fleuve nommé Kiangtangchu, nous arrivâmes enfin à Tsiamdo. Il y avait 36 jours que nous étions partis de Lhasa. D'après l'itinéraire chinois, nous avions parcouru environ 2500 lis, 250 lieues.